Et nous approuvons cette convention qui court jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. Nous en adopterons une prochaine. Et la nouveauté, et on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est qu'une offre parallèle, diverse, sera également proposée aux agents de la collectivité qui pourront adhérer au CNAS. Donc nous poursuivons le partenariat et le soutien au casque tout en permettant d'aller à un partenariat avec le CNAS. Voilà pour résumer. Laurent Jamais. Oui. On pourrait voter pour ce soir cette proposition que vous faites. Je le dis avec un peu de fermeté et puis un peu de solennité parce que c'est une question importante. Parce qu'on a toujours voté les subventions pour le casque, ça nous semblait bien naturel. Mais vous venez de l'évoquer, il y a quand même un problème. D'abord, il y a un problème sur le fait que, au nom de quelque chose dont on ne comprend pas très bien, on a fait traîner cette délibération jusqu'à arriver au mois de novembre. Franchement, quand une municipalité veut avoir des documents de la part d'une organisation comme le casque, ça va très vite. Et nous avons été tous saisis par les animateurs du casque, par les organisations syndicales, avec les documents qui étaient demandés. Donc je pense que le problème ne vient pas de là. On pourrait voter pour s'il y avait une clause de versement immédiat de la subvention au casque, parce qu'aujourd'hui, elle intervient très tard. Et si on fait comme l'année dernière, elle interviendra en décembre. Donc on comprend bien que les organisations du casque ne peuvent pas imaginer des activités pour c'est une année qui est déjà terminée. Vous venez d'évoquer la question du CNAS qui serait une offre supplémentaire. Oui, voilà. Bon. On met en concurrence une organisation qui est celle historique que vous avez vous rappelé quand même dans la délibération, issue de 68, etc., et une autre proposition qui est différente, qui est individuelle. Et c'est vrai qu'un certain nombre de collectivités qui n'ont pas de CAS, qui n'ont pas de COS, évidemment, font appel au CNAS. On sait aussi que la subvention du casque a diminué et les moyens du casque a diminué ces dernières années. Alors moi, c'est simple, puisque, bon, on peut citer Karl Marx, c'est pas mal, et l'Association internationale des travailleurs, c'est l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et moi, je trouve que ce qui est moderne dans ce que est le casque, c'est le fait qu'aujourd'hui, les salariés définissent les actions ensemble, qu'ils soient culturelles, qu'ils soient sportives, qu'ils soient sociales. Et ça, moi, je pense que c'est d'une modernité à toute épreuve. Faire en sorte qu'une organisation autre qui individualise les agents soit une réponse aujourd'hui à la demande, aux besoins divers et variés des salariés de la ville, ça me semble être une mise en concurrence qui soit dangereuse. Donc nous, on ne sera pas pour ça. On votera évidemment contre au mois de décembre quand vous le proposerez. On s'abstient ce soir si vous ne voulez pas mettre un avenant concernant un versement immédiat de la subvention. Enfin, moi, j'attire quand même l'attention aux l'ensemble des groupes de la majorité municipale. C'est que le casque est une bonne réponse des salariés qui sont élus, et ça, voilà, ils sont élus à travers une élection par les salariés eux-mêmes, une définition collective, encore une fois, sur les aspects sociaux, et Dieu sait qu'on en a besoin, pardon, ma laïcité m'a lâché. On a besoin d'aujourd'hui de social, on a besoin de culture. J'attire aussi l'attention sur le fait que, justement, les réponses du casque permettent des solutions culturelles de bonne qualité, ça soit aussi sur les aspects sportifs. Donc voilà, moi, j'attire l'attention là-dessus et on sera extrêmement vigilants. Écoutez, moi, j'entends votre vigilance, j'entends votre remarque. Croyez-moi qu'il a été très compliqué, et j'ai moi-même participé à des réunions, d'obtenir à la fois les bilans et les projets d'activité. Ensuite, effectivement, le casque présente son intérêt, mais croyez-moi également, il y a beaucoup d'agents de la collectivité qui viennent me voir et qui me disent « Tony, monsieur le maire, quand est-ce qu'on adhère au CNAS ?» Voilà, moi j'entends ce que vous dites. Donc on essaye d'avoir une offre complémentaire, intelligente, et la subvention sera votée dès que la convention sera signée. Donc on délibère ce soir, on va signer rapidement, et on pourra verser l'argent qui de toute façon figure au budget de la direction des finances. Oui. Oui, J'entends que des agents viennent vous voir individuellement, mais moi, ce dont je crois, c'est les organisations représentatives des salariés. Or, en l'occurrence, si mes sources sont bonnes, elles sont unanimes pour dire qu'elles dénoncent cette position que vous avez aujourd'hui sur la question du CNAS. Donc, il faut être aussi clair et donner aux gens qui nous regardent ce soir les informations dans leur... Absolument, les organisations syndicales sont contre, mais il n'empêche qu'il y a 1200 fiches de paye à la ville de Bagnolet, et croyez-moi qu'il y a de nombreux agents qui viennent me voir pour me dire quand est-ce qu'on adhère au CNAS, comme d'autres collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? Oui, pardon, mais sur ma proposition d'un versement immédiat... Et qu'on signe la convention, verse. Vous êtes prêt à l'écrire, ça, dans le... Dans écrire dans... Dans le compte-rendu. Dans le compte-rendu, ce sera au compte-rendu. Je vais dire dans le compte-rendu, on pourra noter que, et on a mandaté, me dit-on. Très bien. Bah, écoutez, on votera pour. C'est bien. Donc, qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, instauration d'un forfait mobilité. Donc, il s'agit d'améliorer le dispositif qui existait jusqu'ici. Des questions ont été posées en commission, en conférence des présidents, et nous avons communiqué mercredi 15 novembre à 9h32 les éléments qui avaient été sollicités. Nous les avons communiqués à l'ensemble des présidents de groupe qui siègent au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations ? Oui, Édouard de Noël. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques brefs éléments macro sur le forfait mobilité durable. Donc l'ensemble de la réglementation et du dispositif sont présentés dans la note qui vous est soumise. L'idée, c'est bien d'élargir le recours au transport autre que l'autosolisme, c'est-à-dire de passer au covoiturage, au vélo, au service de mobilité partagée pour les trajets des agents de leur logement à la ville. Précédemment, il y avait le forfait vélo. Comme la réponse nous a été apportée, il ne concernait en somme qu'une vingtaine d'agents, et ce dispositif plus large, mais aussi sa bonne diffusion au sein de la ville, sont de nature à renforcer l'alternative à la voiture pour les déplacements pendulaires des agents. C'est un sujet d'importance parce que j'aurai l'occasion de vous le présenter d'ici peu. La ville a fait faire un bilan carbone de son activité et la question des transports y est centrale. Le transport pèse à la ville de Bagnolet 15% des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité. Et pour la moitié de ces 15%, ce sont les déplacements pendulaires des agents. Donc ce forfait et son adoption font partie des moyens, mais ce n'est pas le seul, pour trouver une solution de réduction de ces émissions. Et l'autre moitié de ces émissions, ce sont les déplacements générés au quotidien par l'activité municipale. Donc, dans les deux cas, il s'agira, comme pour d'ailleurs tous les autres postes émetteurs de CO2, de définir, à la suite de ce bilan, un plan d'action ambitieux pour la collectivité. Je vous remercie. Merci. D'autres remarques, Madame Félix ? Merci. Donc, sous ce mandat, la première délibération qui m'est arrivée de présenter, c'était le 23 juillet pour l'indemnité kilométrique vélo. Cette délibération promouvait la pratique du vélo par les agents de la ville pour les trajets domicile-travail. Le développement de la part modale du vélo, c'est un effort que la ville doit continuer de porter, avec toujours davantage de moyens. On a lu récemment dans la presse que la part modale du vélo avait doublé en un an dans certaines portions de la ville de la voirie de Paris. Ce bon résultat, on le doit à la politique volontariste de la mairie de Paris en matière d'aménagement cyclable, que l'on ne peut que saluer. Tout le monde n'est pas en condition physique pour pratiquer le vélo, aussi suis-je favorable aux forfaits mobilité durable présentés dans cette délibération qui englobe l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo, et ouvre les conditions d'obtention du forfait au covoiturage, au service de mobilité partagée ou d'autopartage qui affranchissent de la possession d'un véhicule en propre. Trouver les leviers pour affranchir les habitants de petite couronne de la possession d'un véhicule, c'est encore un accompagnement dont les collectivités doivent s'emparer. La possession d'un véhicule en propre est l'un des budgets de plus en plus coûteux dans les ménages, et on avait analysé ce paradoxe lors de la conférence du grand cycle sur les mobilités relative à une approche économique des déplacements. Ce sont les ménages les plus modestes qui sont aussi ceux qui dépensent le plus pour entretenir leur véhicule. La mutualisation résout cet aspect. Elle optimise aussi les questions de stationnement, puisqu'une partie importante des véhicules sont sous-utilisés, stationnent en surface sur voirie et privatisent ainsi l'espace public. Les conditions d'obtention du forfait proposées à ce jour dans la délibération sont globalement larges, à la suite du vélo et du vélo à assistance électrique, qui sont inclus les engins personnels motorisés non thermiques, définition assez floue mais qui n'inclut cependant pas les automobiles. Il conviendra peut-être de la réviser en fonction de l'évolution des mobilités. Aussi, ce forfait ne doit pas être considéré comme une mesure intemporelle, mais comme une bonne mesure d'accompagnement des mobilités à l'heure où il faut favoriser la transition énergétique des véhicules. Enfin, les moyens doivent être mis en place pour évaluer nos politiques, c'est-à-dire prévoir un bilan annuel des demandes qui auront été faites et des montants forfaitaires distribués, et ce pour chacun des types de mobilité, vélo d'une part, covoiturage d'autre part et autopartage d'une troisième, etc. Il faut notamment le comparer avec le bilan qui a été octroyé au titre de l'indemnité, de ce qui a été octroyé au titre de l'indemnité kilométrique vélo, à ce jour peu élevé. Par ailleurs, le forfait mobilité durable est cumulable avec le remboursement des frais de transport public. On ne peut pas parler des trajets domicile-travail sans parler de cet aspect majoritaire des déplacements à Bagnolet, par les bagnoletais et bagnoletais, mais aussi par les agentes et les agents. Un travail constant de suivi et d'amélioration des services de transport en commun est nécessaire pour la ville de Bagnolet. Comme l'a identifié l'étude d'Est-Ensemble menée en 2022, seulement un quart du territoire de Bagnolet est à moins de 10 minutes d'une station de transport ferré, métro ou tram, ce qui laisse Bagnolet bien en deçà de l'ensemble des villes de Proche-Couronne et des autres villes d'Est-Ensemble, après le prolongement de la ligne 11 et de la ligne de tram 1. Île-de-France Mobilité connaît la situation défavorisée de Bagnolet dans les années à venir. Elle serait prête à y travailler avec nous lorsque la ville de Bagnolet la saisira de cette mission. Faisons-le sans plus de délai. Écoutez, c'est déjà fait, puisque on se mobilise pour le prolongement de la ligne 3 du métro. Pour conclure, cette mesure sur un forfait mobilité durable devait s'inscrire dans un processus d'évaluation, d'analyse et de révision pour amélioration, s'il advenait que la mesure ne rencontre pas un large succès. Merci pour vos interventions. Monsieur. Oui, très rapidement, bonsoir à tous. On aurait aimé pouvoir se réjouir, être content de ce genre de mesure qui favorise le déplacement et la mobilité douce. Mais malheureusement, j'ai cette sensation d'opération de greenwashing, à savoir que dans une ville qui ne dispose pas de pistes cyclables, pas d'infrastructure, pas d'aménagement pour les vélos et pour la circulation des vélos en toute sécurité, on est en train de mettre en place une prime incitative à la circulation, mais peut-être aussi à la mise en danger de nos agents. Puisqu'aujourd'hui, Bagnolet ne dispose d'aucune infrastructure sécuritaire pour pouvoir permettre à nos agents de circuler dans de bonnes conditions et d'arriver sur leur lieu de travail en bonne santé. Malheureusement, parce que cet argent, cette opération financière ne suffira pas. Malheureusement, quand les gens vont prendre leur vélo une fois, deux fois, trois fois, ils vont se confronter à des difficultés de circulation qui vont peut-être leur faire marche arrière. Et deuxième point, est-ce qu'on a mis en place, que vous avez pensé, imaginé, le premier point, à la sécurisation des matériels? Est-ce que des parcs à vélo sont prévus? Est-ce que vous allez, parce que les vélos aujourd'hui, on le sait, sont tous très chers. Les gens circulent en électrique, c'est 1 000 € minimum, donc ils veulent pouvoir avoir cette sécurité. Est-ce que vous accompagnez de cette dépense une installation et des aménagements? Et dernier point, je pense qu'Angine complétera, j'imagine, dernier point, est-ce qu'une communication positive, incitative, auprès des agents a été imaginée, pensée, pour leur permettre de comprendre les raisons pour lesquelles cet argent est distribué? C'est de l'incitation positive. C'est une campagne, une circulation d'informations en interne et dans les services qui pourrait être nécessaire pour non pas informer de ce qu'une prime existe, mais de ce que l'intérêt de cette prime va être au bénéfice de tout le monde et de tous les citoyens de cette ville. Voilà, je vous remercie. Oui, il y a des informations prévues régulièrement. Vous savez, il y a un document qui s'appelle le strictement personnel, qui accompagne en fait les fiches de paye qui sont adressées aux agents, et régulièrement on a des informations qui peuvent intéresser les agents et les mobiliser sur les dispositifs. Donc ce sera le cas sur l'évolution de ce dispositif. Ensuite, sur la sécurisation, oui, on essaye de créer des parcs à vélo. On a aménagé modestement un mini parking à vélo à l'entrée de l'hôtel de ville, à l'entrée du personnel sur la gauche quand vous sortez. Mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on améliore. Vous avez raison. Oui. Sinon, c'est l'argent qu'on va distribuer pour rien, puisque la prime va être encaissée. Et ça se comprend. Quand les gens reculeront au bout de 2-3 ou déconvenus, il n'est pas certain que cette prime ne perdure pas. Ne dépensons pas de l'argent inutilement. Oui, alors je voudrais simplement, ça n'a rien à voir, mais faire une remarque. Je trouve que 18h30, c'est un peu tôt pour le conseil municipal. Pourquoi si tôt? Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir, mais j'ai oublié de le dire en début de conseil. Parce que des fois, ça finit tard, et on me reproche que ça finisse tard. Ouais, bon, donc on essaye de trouver un équilibre. Non, mais 19h, c'était bien, je pense. Bon, c'est le même horaire qu'Est Ensemble ou que d'autres collectivités alentour. Okay. Mais j'entends, hein, mais c'est compliqué de trouver le bon horaire équilibré. C'est vrai, ok. Alors, sur le forfait mobilité durable, bon, tout a été dit, Sébastien a dit, on votera, évidemment, c'est une mesure de bon sens. C'est par ailleurs normal que la collectivité employeuse contribue au financement des coûts de transport de ses agents. Vous nous avez communiqué hier, ou je ne sais plus quand, des chiffres, des indicateurs qui révèlent que... J'ai plus le calcul en tête, on va dire, disons qu'il y a 2% des agents seulement qui ont demandé le versement de l'indemnité kilométrique forfaitaire vélo, dont Edith a parlé, donc c'est pas beaucoup, 2%. Il y a donc évidemment une urgence à encourager la pratique du vélo sur l'immigration pendulaire, domicile-travail. C'est intéressant, c'est un dispositif, c'est une prime incitative qui est intéressante, donc coût pour la collectivité sera pas prohibitif, hein, même si effectivement je pense que le législateur aujourd'hui c'était 200 euros annuels par le passé, je crois que ça a été réévalué à 300 euros, mais c'est un coup de pouce financier, puis qui est intéressant aussi en faveur de celles et ceux qui feront l'effort de venir à vélo à Bagnolet. Alors je souscris évidemment à ce qu'a dit Sébastien, c'est un des dispositifs, mais ça ne va pas résoudre l'ensemble du problème. Je pense aussi qu'il y a tout un chantier à mener en termes de sensibilisation, et nous, les élus, on a un rôle à jouer. Et monsieur le maire, peut-être vous pourriez vous mettre aussi vous-même à la bicyclette. Vous feriez peut-être des émules au sein de l'administration. C'est bon, croyez. Bon, bah, déjà, je ne roule pas, contrairement à une de vos collègues, j'ai jamais roulé en SUV. Mais, on ne roule pas. Elle n'est pas là. Maintenant, elle roule en mini. C'est plus discret que le SUV. Surtout quand on habitait On parle d'un absent, peut-être. Je ne sais pas, vous parlez de qui? De votre collègue, Mme Laurence, qui avait une belle SUV dans son garage. Dans le bon, alors, si vous parlez de Claire Laurence, elle se déplace mais aussi à vélo. Pas, non, mais vous savez, on croit beaucoup aux vertus de l'exemplarité des élus. On a une voiture électrique. J'ai une Toyota, c'est cher. Non, c'était une boutade, mais pas complètement. Je pense que c'est intéressant aussi que nous, élus, nous donnions l'exemple. On croit beaucoup aux vertus de l'exemplarité. Bon, sérieusement, il y a un véritable enjeu. Il y a encore, vous avez des chiffres qui ont été énoncés par Edouard de Noël, mais il y a 43% des Françaisiens qui utilisent encore leur voiture pour aller travailler, et il y en a deux tiers qui utilisent leur véhicule pour faire seulement 2 km. Donc on a encore beaucoup de travail de sensibilisation et d'accompagnement à fournir. Donc très bien, et on votera évidemment en faveur de ce forfait. D'autres remarques? Donc la communication est bien prévue, annoncée, programmée. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Dispositif des conventions d'aménagement d'emploi dans le cadre de recrutement de sportifs de haut niveau. Donc il s'agit d'accueillir un sportif de haut niveau, en l'occurrence le lutteur Mamadasa Sylla, qui prépare les Jeux Olympiques. Et qui est sportif de haut niveau, licencié au Bagnolet Lutte, et on s'inscrit dans un dispositif de vrai sportif de haut niveau. Voilà, ça a été le cas par le passé, ça a été moins le cas en tout état de cause. Il a paru important de, de l'accompagner. Il prépare des TQO, il a participé au championnat du monde récemment. Et je pense que c'est tout à l'honneur de la ville, comme ça a été fait par le passé, notamment, je pense à Mélona Nombonvi, qui est aujourd'hui entraîneur national des jeunes, a fait des luttes d'accompagner Mamad Assa dans son parcours, en espérant qu'il se qualifie et qu'il ramène une médaille au prochain JO. Ce que ça appelle des observations. Pas d'observation. Qui est pour ? Un accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Fixation des modalités d'exercice du travail à temps partiel. Délibération classique, qui n'existait pas jusqu'alors. Donc ça a été dit, je pense, récemment. On va être amené à délibérer beaucoup en matière de ressources humaines, puisqu'on se met à jour sur de nombreux domaines. Et la fixation des modalités d'exercice du travail à temps partiel en fait partie. Ce que ça appelle des observations. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Modification de la délibération du 25 mai 22, créant des emplois permanents et autorisant le recrutement d'agents contractuels dans le cas d'absence de cadre d'emploi à la direction de la santé. Donc, poursuite du travail qui a été engagé concernant le CMS. Est-ce que ça appelle des observations ? Monsieur Jamais. Non, un vote favorable. C'est vrai qu'habituellement, on tique toujours lorsque ce sont des emplois contractuels, voilà, sur des postes de la fonction publique. Ceci dit, sur un domaine aussi pointu que la santé, qui appelle régulièrement à faire appel à effectivement l'ouverture de postes pour recruter des agents contractuels, on est dans ce domaine, on est favorable. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 10, directrice, directeur de la vie sociale des quartiers, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement de l'article L332-8 du CGFP. Est-ce qu'il y a des observations ? Anne Desbordes-Silly. Oui, moi j'aimerais vous poser une question, mais je vais englober la délibération 10 avec la 11. Moi je ne comprends pas pourquoi vous recrutez des agents contractuels sur des emplois permanents. Pardon ? J'ai pas entendu, non, vraiment. Pour quelle raison vous recrutez des agents contractuels sur des emplois permanents ? Vous n'avez pas de fonctionnaires qui candidatent à ces postes ? Bah parce qu'on recrute des contractuels. Ça arrive de recruter des contractuels, comme dans toutes les collectivités. Bah, voulez, comme, sur comme, des postes si dans voulez, la filière médicale, il n'y a pas de cadre madame, d'emploi. Madame Desbordes-Silly, entre septembre 2008 et septembre 2011, nous avions un DGA, aménagement. Pourtant, l'aménagement, ça fait partie des postes qui sont pourvus régulièrement par des agents titulaires. Nous avions un DGA aménagement qui était contractuel. Et je n'ai pas souvenir... Et à l'époque, croyez-moi, j'étais dans l'opposition, j'étais très vigilant sur ce qui était soumis au conseil municipal. Je n'ai pas souvenir qu'on ait été amené à délibérer à quelques moments que ce soit sur l'autorisation donnée au maire de l'époque pour embaucher un DGA contractuel sur ce poste. Mais vous, de nouveau, ah. vous je suis désolée, je ne sais pas, 2008... Ne soyez pas désolée. Vous revenez systématiquement... Mais oui, parce que, comme le disait un grand auteur, le passé éclaire le présent et le présent éclaire le passé. Mais est-ce qu'on peut aller de l'avant ? Bon, ces histoires, vous les ressassez. Moi, je vais vous répéter que ce qui s'est passé en 2008... Je ne ressasse pas. Ça s'est passé en 2008. Aujourd'hui, répondez à la question. Ça intéresse M. Vionnet, en l'occurrence. Mais il n'est pas là, M. Vionnet. Ah oui, curieusement. Bon. On le salue, d'ailleurs. On le salue tous. Absolument, il y sera sensible. Non, mais répondez à la question. Là, ce n'est pas des emplois, ce n'est pas des métiers en tension, ce n'est pas des emplois dans lesquels il n'y a pas de cadre d'emploi comme dans la filière médicale santé. Ce n'est pas des emplois qui sont particulièrement qualifiés. Vous n'avez pas de fonctionnaires qui candidatent à ces postes. Il y a des fonctionnaires qui peuvent candidater. Et puis, on a quand même le principe de libre administration des collectivités territoriales, l'article 72 de la Constitution qui vous a peut-être échappé, où on a aussi la possibilité... de recruter des agents contractuels qui remplissent les conditions de diplôme et qui font preuve de compétences, tout simplement. Bon, alors moi je vois deux problèmes à ces délibérations. D'abord, il y a un problème politique. Vous êtes un maire de gauche. On en a discuté ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc votre rôle d'employeur de gauche, ce n'est pas de remettre en cause le statut de fonctionnaire en cotant des contractuels. On est d'accord. Mais à Trappes, il n'y a pas des contractuels à Trappes. Mais arrêtez de me parler de Trappes. On non, est mais il n'y a pas des collaborateurs. Il n'y a pas des collaboratrices contractuelles à Trappes. Des collaboratrices contractuelles. Vous me parlez de qui, là? Je ne sais pas. Il n'y a pas des collaborateurs contractuels à Trappes, Mme Desbordes. La meilleure défense, ce n'est pas tout le temps l'attaque, plus seulement. La meilleure défense n'est pas tout le temps l'attaque. Demandez à votre DGS, n'attaquez pas. Toutes les collectivités, répondez, n'attaquez pas. Répondez, allusion sinon. À quoi? Je réponds. Il y a un problème politique. Mais on ne parle pas de Trappes, on est à Bagneret. Est-ce que, en tant que maire de gauche, vous n'avez pas, ça ne vous pose pas un problème de recruter des contractuels? Je vous dis qu'à Trappes, il y a des contractuels. Je vous dis qu'à Est-Ensemble, il y a des contractuels. Qu'au Lila, il y a des contractuels. Qu'à Montreuil, il y a des contractuels. Qu'à Pantin, il y a des contractuels. Il y a des contractuels dans toutes les collectivités. Mais bien sûr, mais on a voté en faveur des créations d'emplois d'agents contractuels dans la filière médicale. Il y a des cas spécifiques. Il peut y avoir des pics d'activité ou des emplois qui sont permanents. Là, on est sur deux emplois temporaires. Mais vous ne répondez pas, donc en fait, vous voilà. Alors, moi, je vois un problème politique. Donc non, il n'y a pas de problème politique. Ah si, ce n'est pas des emplois spécifiques et vous recourez à des agents contractuels. Il n'y a pas de problème politique. D'accord, ok. Bon. En plus, vous savez bien que quand on recrute des fonctionnaires, on a la garantie des compétences réelles pour exercer cette mission qu'on n'a pas nécessairement quand on recrute un contractuel. C'est le premier élément. Puis le deuxième élément, pardonnez-moi, mais il est plus déontologique. Vous savez qu'on est... On est un peu soucieux de déontologie dans cette enceinte depuis qu'on est élu. Surtout vous, je sais. Oui, non, pas surtout. Non, non. J'espère qu'on est tous soucieux. C'est un sujet que vous portez régulièrement. J'espère qu'on est tous soucieux collectivement. Non, mais je ne suis pas plus soucieuse de déontologie que l'ensemble des élus qui sont ici. J'ose espérer que non. Bon, donc le risque d'emploi contractuel. Dans des raisons qui sont, pardonnez-moi, obscures, vous ne répondez pas à la question. Vous pourriez avoir de bonnes raisons de recruter un contractuel parce qu'il a ou elle a des compétences. Des compétences particulières. Absolument. Voilà. Des compétences, une connaissance de la ville. Bon. Le risque des emplois contractuels, pardonnez-moi, je mets les pieds dans le plat, c'est un risque déontologique et d'emploi fléché. C'est un pouvoir discrétionnaire. Vous ne répondez pas, vous créez deux emplois de contractuels sur des postes qui ne sont pas des emplois temporaires et qui ne sont pas des emplois particulièrement en tension. Donc c'est votre responsabilité, nous évidemment pour toutes ces raisons, parce que là il y a un peu d'opacité de votre part et que vous bottez en touche et que vous ne répondez pas, on votera contre cette délibération. Madame Silly, puis-je vous faire remarquer que l'an dernier, quasiment à cette même période de l'année, nous avons voté collectivement à l'unanimité le recrutement d'un DGA contractuel sur le secteur citoyenneté. Et que vous l'avez voté et que vous ne m'avez pas fait de remarques à l'époque. C'est abstenu, on n'a certainement pas voté. Non, vous l'avez voté. Vous l'avez abstenu, c'est abstenu. Ah non, je vous assure. Donc oui, j'entends vos remarques, mais... Entendez, mais vous ne répondez pas. D'autres observations? Après, j'entends que vous fassiez cette remarque, j'entends que ça vous embête que je parle de votre collègue, mais si vous voulez entendre des leçons de morale de gens qui ont fait toute leur carrière dans la fonction publique territoriale en tant qu'agent contractuel, je trouve ça assez... hallucinant. Vous parlez de qui? Je me sens pas concernée. Je parle de Monsieur Vionnet. Arrêtez de parler des absents de Trappes et de 2008. D'accord. Donc, mais vous répondez complètement. Ça vous permet de répondre facile. À côté, Monsieur le maire. Ça vous permet de répondre à côté. Échappé. Depuis tout à l'heure, pourquoi vous avez répondu deux choses. Vionnet et Trappes. Donc, Madame Desbordes, on n'a pas du tout abordé le sujet précis. Donc, Madame Desbordes, vous qui êtes si attachée à la déontologie, je vous dis que lorsque... Nous sommes l'on tous a fait, attachés à la déontologie. Je ne vous ai pas donné la parole. Non, que lorsque l'on a fait sa carrière, lorsque l'on fait encore aujourd'hui sa carrière dans la fonction publique territoriale, en qualité d'agent contractuel, on ne donne pas de leçon de morale aux autres. Il n'est pas là, Monsieur Vionnet. Je ne parle pas au nom de Pierre Vionnet. Pierre Vionnet n'est pas là. Regardez sa place, c'est là. Votre co-président de groupe. Regardez sa place, c'était ici, normalement. Et votre co-président de groupe. Voilà. Monsieur, c'est votre seule réponse. Okay. C'est votre co-président de groupe, je suis désolé de vous le dire. C'est... Quand on fait toute sa carrière comme contractuel, vous savez, je vais vous dire un truc, lorsque j'étais embauché, il y a de longues années, un jour, Un de mes amis, en l'occurrence Pascal Poplin, m'a dit tu as deux possibilités en tant qu'agent. Soit tu passes le concours, tu as la sécurité de l'emploi, soit tu prends plus de risques, tu passes pas le concours, tu pourras peut-être gagner plus. C'est peut-être le choix qu'a fait votre coprésident de groupe. En tout état de cause, lorsqu'on a fait sa carrière et qu'on fait sa carrière en tant qu'agent contractuel sur des postes qui peuvent être pourvus par des agents administratifs, par des postes administratifs, on ne donne pas de leçons aux autres. On balaye devant sa porte. C'est juste ce que je dis. Je propose une règle. Vous faites appel à la déontologie. Pardon. Moi, je propose une règle qui s'appelle la règle Laurent Jamais, qui est la suivante, c'est on ne parle pas des gens quand ils ne sont pas là. À un moment donné... c'est trop facile, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une règle de vie. Trop facile. C'est une règle de vie en commune que je propose et qui est quand même pas la plus compliquée. Enfin, moi, je trouve que c'est une règle simple, voilà. Une règle de vie en commun. Je sais pas, vous en pensez quoi, chers collègues? À un moment donné, si vous êtes pas là un jour du conseil, imaginez, vous en prenez plein la figure. Ce serait quand même dommage. Mais c'est pas méchant. Donc, je propose une règle assez simple. Non, c'est on ne parle pas des absents lorsqu'ils sont pas là. Donc, et moi, on passe au vote. Voilà. Et moi, je propose un amendement à cette proposition, Laurent. C'est que lorsqu'on intervient, on balaye devant sa porte. Ami Chaya. Merci, monsieur le maire. Moi, j'avais juste une question. Parce que comme je n'ai pas pu assister au bureau municipal, car j'étais en déplacement et je me suis connecté 20 minutes en retard à la commission des finances. Donc, je ne sais pas, pour savoir si la question a été posée, comme Mona l'avait préconisé, de s'assurer de la publication de l'offre d'emploi, car pour ma part, j'ai rien trouvé sur le site de la ville concernant l'offre. Donc voilà, j'aimerais savoir si... parce que j'ai vraiment rien trouvé, donc sauf erreur de ma part. C'est le cas, c'est une erreur. D'accord, parce que pour la fonction publique... Merci. Parce que pour ma part, dans la fonction publique, sont soumises à obligation de publicité les offres suivantes. Les créations aux vacances d'emploi permanent, à temps complet ou non complet, pourvues par des fonctionnaires ou de contractuels de droit public, d'une durée indéterminée ou déterminée pour une durée égale ou supérieure à un an. Sauf apparemment s'il veut se faire taper par le tribunal administratif. Donc voilà, moi j'aimerais juste savoir une autre question. Est-ce que le poste, entre guillemets, a été proposé en interne par un agent de catégorie R qui souhaite postuler pour une évolution de carrière, par exemple, et ainsi valoriser les agents de la ville et faire par la même occasion une économie en ETP? Moi je parle toujours, pour savoir si... Faire des économies? Non, une évolution, c'est-à-dire s'il a proposé à un collègue... des catégories qui souhaitaient postuler à ce poste-là, par exemple, et qui transvasent tout simplement un service. J'ai pas compris la question. La question, c'est est-ce qu'on a proposé à un collègue de catégorie qui souhaite, par exemple, évoluer vers ce poste-là, par exemple? Ah, mais les gens qui veulent candidater, candidatent. Ah, d'accord. Après le recrutement? Après le recrutement? Là, on est autorisé à faire un contrat de 3 ans. D'accord. Demandez à M. Benet. Donc, les fonctionnaires... Là, M. Vionnet, il faisait beaucoup fonction. Oh là là, c'est pas possible. Il faisait beaucoup fonction respecter déjà pas sa carrière. Il peut postuler ou pas? Parce que si on parle de lui, c'est peut-être qu'il va postuler. Non, il... Non. Et vous allez étudier sa candidature avec la plus grande neutralité, objectivité. On ne serait pas assez riche pour le rémunérer. Donc, les agents de Bagnolet pourront postuler... Pas assez riche pour le rémunérer. Les agents... de Bagnolet, on serait pas assez riche pour le rémunérer. Mais c'est donc maintenant vous avez Cédric Pape qui est devenu un grand c'est tellement grand urbanisme, tellement mesquin. Mais bon. Est-ce qu'il y a propose de passer aux voix? Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante. Alors, est-ce que vous allez avoir la même remarque concernant le technicien bâtiment? Je vous ai dit que je parlais pour les deux délibérations. D'accord. Donc, même débat. Et donc, non, Hamid, nous n'avons pas proposé le poste à un autre agent de la direction, parce que j'imagine que ta remarque vaut également pour le poste de technicien en bâtiment. La remarque précédente. D'accord. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Examen du rapport d'activité 2022 d'Est Ensemble. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Protocole transactionnel. Donc, monsieur Vionnet n'est pas là, mais là, il me ferait la remarque. Votre voirie n'est pas entretenue. Un peu d'humour, monsieur Stalens. Ah non, c'est Laurent Jamais aussi. Votre voirie n'est pas entretenue. Tout le temps, la même chose. Et si j'étais taquin s'agissant de monsieur Lambarro, on irait un peu plus loin, mais on ne va pas être taquin ce soir. Non, mais Laurent Jamais avait fait la remarque aussi. Ouais. Oui, oui, non, mais je veux bien dire quelques mots, parce que effectivement. Le propre d'un marronnier, c'est bien quand il arrive en novembre. Donc, nous avons régulièrement donc des délibérations portant soit sur des machines qui dysfonctionnent et qui créent des troubles et qui cassent, par exemple, des pare-brises, soit effectivement on a des problèmes de voirie. Alors, on a eu une discussion tout à l'heure très intéressante concernant le vélo et vraiment, moi, je souscris. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, je n'ai plus de véhicule et je n'ai plus qu'un vélo et que je me déplace en vélo. J'avoue que de se déplacer en vélo de la rue Sadi Carnot, par exemple sur la rue Floréal, pour répondre à votre sollicitation tout à l'heure concernant M. Gambaro, bah c'est difficile, quoi, parce que les trous sont quand même nombreux et c'est extrêmement dangereux avec le fait qu'on est souvent obligé de se déporter. Donc on voit que ça crée des troubles importants qui nous obligent à avoir des protocoles transactionnels, mais aussi pour tous les autres usages, que ce soit les transports en commun, mais aussi le vélo. Aujourd'hui, effectivement, la voirie à Bagnolet pose de grands problèmes. C'est vrai qu'il y a un effort important à faire, on le poursuit. Et par exemple, puisque c'est un sujet qui revient souvent au Conseil de quartier du Plateau, on est en discussion avancée avec la ville de Montreuil pour... refaire la rue des Rigondes l'an prochain. Et ça, voilà, qui est dans un état catastrophique. Donc la rue des Rigondes figurera aux investissements 2024 de la ville de Bagnolet. Mais c'est vrai que la remarque est juste. S'il y a d'autres remarques, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante. Accord cadre de travaux d'entretien dans les bâtiments communaux. Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit donc pour la ville de Bagnolet de renouveler l'accord cadre pour l'entretien des bâtiments communaux. Il s'agit du second accord cadre, puisque le premier avait été réalisé en 2020. Pour information, nous profitons aussi de ce renouvellement pour améliorer les bordereaux pré-unitaires. Bon, c'est un petit peu technique, mais c'est afin de mieux cadrer les interventions techniques et de maîtriser les coûts in fine. Dans le détail, comme vous aurez pu le lire, il y a une note qui a été remise sur table, d'ailleurs, entre parenthèses, avec la finalité de la commission d'appel d'offres. Dans le détail, il y a 8 lots. La commission d'appel d'offres s'est réunie hier soir, en l'absence de l'opposition non excusée. Donc, on parle de déontologie. Petite parenthèse, cette commission est certainement l'une des plus importantes de la vie de la commune, puisqu'elle est même souveraine sur le conseil municipal. Et il s'agit là, et oui, mais encore faut-il assister aux commissions pour... J'ai le souvenir, puisqu'il y a eu... Non, mais juste, je finis. Vous n'avez pas la parole, vous l'aurez. Vous n'étiez pas là hier, je pense que tout le monde l'aura compris. Vous ne vous êtes pas excusé, et ça aussi, je pense que c'est important, puisque... C'est dommage que vous avez un suppléant. Ce conseil municipal est filmé, donc ça permet de savoir aussi quelle est votre implication sur la ville en dehors du conseil municipal quand vous faites vos remarques, pour nous dire que nous ne sommes pas éthiques, pour nous dire que nous faisons du greenwashing, mais ce qui est certain, c'est que vous brillez par votre absence. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines commissions qui sont moins importantes que d'autres, mais celle-ci est certainement l'une des plus importantes de la ville. Et quand on parle de transparence, et quand on essaie de faire un peu d'éthique... Cette commission d'appel d'offres, elle est là aussi pour clairement apporter de la transparence et essayer de veiller à la bonne ventilation des deniers publics. Donc je souhaiterais, la prochaine fois que vous veniez, je pense que ça serait bien que l'opposition soit présente. Donc dans le détail, il y a 8 lots. La commission d'appel d'offres s'est réunie hier soir, en l'absence de l'opposition non excusée, pour attribuer après analyse les 8 marchés. Donc vous avez le résultat remis sur table. Sur le lot 1, vous avez donc EDO, sur le lot 2, PSCI, sur le lot 3, la société Laurent, sur le lot 4, IREM, sur le lot 5, AFD, sur le lot 6, DHA, sur le lot 7, Chapelec, et sur le lot 8, BDF. Et vous avez demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer avec ces 8 sociétés qui ont été obtenues en commission d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Stalens? Autant en lien avec la délibération précisément, mais je vous accorde d'apporter une réponse à M. Pape concernant les commissions. Premier point, une des élues avait répondu à un moment donné. Monsieur Stalin, on ne vous entend pas. Non, non, on ne vous entend pas, vraiment. Je disais simplement que, en réponse, pas par rapport à la délibération, mais par rapport à l'intervention de Cédric Pape concernant notre présence ou pas aux commissions. Première remarque, une de vos élus avait fait, lorsqu'on avait essayé de discuter, d'échanger dans le cadre d'une de ces commissions, on nous avait répondu que, de toute façon, notre avis était simplement consultatif et qu'elle verrait ça directement avec le maire avant de terminer la réunion et fermer l'ordinateur. Premier point. Deuxième point, je pense que les commissions, ces derniers temps, depuis le départ, malheureusement, d'Olivier Tarabella, Monsieur Pape, sont extrêmement bien moins organisées, extrêmement moins bien travaillées et préparées. Je n'ai pas participé à ces réunions et à ces commissions, mais on m'en a fait quand même le relais. Vous étiez plutôt transparent, vous étiez plutôt pas du tout en maîtrise de vos sujets dans ces moments de commission, et vous venez nous faire le reproche de ne pas venir assister à un événement sans importance démocratique, pour mon premier point de tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est un manque de respect pour les élus que de ne pas préparer ces dossiers et que de ne pas préparer ces commissions pour qu'on puisse justement en retirer des informations. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Monsieur Salens, là, on parle de la commission d'appel d'offres. Après, vous avez le droit de critiquer le fonctionnement des commissions. Juste, vous êtes titulaire à la CAO. Ce que vous dit Cédric, c'est... Et ce que je vous dis, moi, c'est que vous avez la chance d'avoir un suppléant. Donc, lorsque vous ne pouvez pas aller à la CAO en tant que titulaire, faites-vous suppléer par votre suppléant. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit rien d'autre. Ce sera fait. On ne dit rien d'autre. Ce n'est pas méchant, en fait. Il ne faut pas tout prendre vraiment de manière agressive ou de manière méchante. Non. Voilà. Donc, vous avez un suppléant. Faites-vous suppléer. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, avenant numéro 4. Pardon. On est pour. Ok. Avenant numéro 4, au marché de construction, au centre de loisirs, crèche, pêche d'or. Cédric. Oui, bon, c'est un sujet qui a été évoqué aussi hier soir en commission d'appel d'offres, où, encore une fois, l'opposition non excusée n'était pas présente. Ah, c'est un peu de taquinerie, vous aimez bien taquiner aussi, donc il faut accepter que ça soit dans les deux sens. Sans méchanceté, bien évidemment. Mais ça... Alors, qui pourra en douter, en fait? Personne. Et regardez, j'ai un grand sourire. Hein, donc, bon, donc on évoquait hier soir l'avenant numéro 4 pour, en fait, parler de la construction de l'école Pêche d'Or à travers Spi-Batignol. Je ne vais pas revenir sur tout le dossier, il est assez complexe. Nous avons déjà eu l'occasion, à travers l'avenant 1, 2 et 3, d'évoquer les différents sujets. Là, sur cet avenant numéro 4, il y a une augmentation du budget de 746 768 euros hors taxes, soit 888 921,60 TTC. Et à ce titre, nous devions discuter hier lors de la CAO, et là, les élus présents à la CAO ont décidé à l'unanimité d'accepter cet avenant. Des remarques, des observations? Vas-y. Oui, pour commencer, nous allons voter contre cette délibération, comme toutes les délibérations concernant la construction de cette école. Et au dernier conseil municipal, le 17 septembre, Monsieur Pape, je vous avais dit, je vous avais présenté un avenant de 200 000 euros, et je vous avais dit, compte tenu de l'éloignement entre le moment où les travaux avaient été devisés et envisagés, et le moment où vous avez signé ce contrat très récemment, le temps était passé, de nombreuses années, des événements comme la guerre en Ukraine et bien d'autres encore ont contrarié économiquement les marchés, et vous m'avez répondu que 200 000 euros, de toute façon, ce serait le seul avenant. Et vous avez même dit, écoutez, il n'y a pas de choses cachées, je tiens à vous le dire, droit dans les yeux. Bien sûr. Comme Monsieur Cahuzac. Bah là, pareil. Donc là, on est en train, en fin de compte, de nous proposer une réhausse. Vous aimez la taquinerie aussi. Non, vous avez utilisé les mêmes expressions. Je fais le lien avec deux événements politiques. T'es pas méchant, c'était pas méchant. Identique. Sans méchanceté. Et sans méchanceté. C'est tout. Sans méchanceté, sans aucune méchanceté. Évidemment. Donc, 800 000 euros. 800 000 euros, oui, c'est le nouvel avenant. Et droit dans les yeux. Plus, droit dans les yeux. Plus 200 000 euros la fois dernière, on en est à un petit million d'euros, c'est ça? Tout à fait. Ça fait 10% d'augmentation. Mais tout et à c'est fait. Pas fini. Et si vous étiez présent en CAO? Vous savez pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce que vous allez me parler de commission CAO, c'est parce que vous n'avez pas voulu assumer techniquement et officiellement, et tout de suite, en fin de compte, les coûts de construction ou la hausse des coûts de construction, pour que le chantier puisse démarrer assez rapidement et préserver peut-être sa construction et une perspective pour 2026 intéressante pour vous. Voilà, donc on a précipité quelque chose, en fin de compte, pour, encore une fois, pour faire vite, juste pour faire vite, pas pour faire bien, pour faire vite. Donc là, on a 1 million d'euros en plus, qui était droit dans les yeux, pas prévu. Tout malheureusement, à fait, dans cette construction. Dans les yeux, mais je ne sais pas où vous voulez en venir, si vous pouviez préciser. Ah, je ne sais pas, j'ai été clair pourtant au tout début. Bah, je n'ai pas trouvé parce que je n'ai pas compris où vous vouliez en venir. Ah, nulle part, c'est que la dernière fois, vous m'avez dit que c'était 200 000 euros et terminé, il n'y aurait pas autre chose. Écoutez, venez en commission et vous aurez toutes les explications. Ah. Maintenant, là, l'explication que je peux vous donner, mais vous avez donné la réponse dans votre question. Il n'y a pas d'explication à nous donner, je la connais, je la comprends. Bon, bah, écoutez, si vous ne voulez pas d'explication, pourquoi intervenez-vous, monsieur Stalin ? C'est la politique dans laquelle vous nous plongez aujourd'hui qui nous contrarie. Ce n'est pas que le fait que cette entreprise ait besoin, compte tenu de ce que le devis a été réalisé il y a 5 ans, les choses étaient différentes, qu'une entreprise aujourd'hui, qu'elle ne puisse pas tenir le budget prévu il y a 5 ans, ça se comprend. Mais ça se justifie et ça s'explique. On parle d'honnêteté politique, on parle d'échange, on parle de compréhension, on parle d'un conseil municipal en capacité de concevoir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas d'autres remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, acquisition d'une emprise de 309 mètres carrés correspondant au futur square situé au 4 rue Jules Ferry auprès de la société anonyme immobilière 3F. On est dans le PNR cadre. Édouard Denoël. Oui, bonsoir, je serai bref. C'est la réalisation de l'espace vert public dans le cadre du PNR cadre sur ce lot précisément. Donc c'est le transfert de parcelles. Des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Cession de la crèche Joséphine Becker située au 78-80 rue Anatole France. Donc il s'agit d'un transfert foncier avec... j'en ai sauté un ? Je suis allé trop vite ? Ah, les FIF ! Ah oui. Les FIF. Dommage que M. Vianney ne soit pas là. Avenant à la convention d'intervention foncière avec les PTIF. Là, il a posé des questions en commission, c'est pour ça. Oui. Cédric s'est engagé à lui répondre. Et c'est ça. Mais allez, tout compte fait, il n'a pas donné les questions, donc je n'ai pas les questions. J'espère que vous les avez pour lui. En tout cas, là, c'est une note très technique où simplement il s'agit de renouveler pendant un an la convention avec les PIF avant de le revoir de façon approfondie avec Est Ensemble l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas en jamais. Non, je vais déroger à ma proposition de ne pas parler des absents lorsqu'ils ne sont pas là, mais je voulais quand même rappeler que Pierre Vionnet, ben on n'a pas voté, donc j'ai encore le droit. Pierre Vionnet, à l'époque, effectivement, a été de ceux dans l'administration communale à porter très fort le fait qu'on puisse avoir une convention avec les PIF. Donc on lui doit ça aussi. Mais qui n'a jamais été mise en œuvre avant 2014. Mais vous voyez, il ne peut pas être tenu responsable de ça. A dit Madame des Bordes civiles. Non, mais on peut pas le tenir responsable de ça, vous voyez ce que non, je veux dire. Ça, c'est... Non, parce qu'il était voilà. Donc voilà, donc je voulais dire que franchement, on peut équilibrer et parler des choses bien des gens, en fait, de temps en temps, de ceux qui ont porté un certain nombre de choses. Je dis ça parce que dans le dernier conseil municipal, Monsieur Pape, qui n'était pas au courant de la situation. Des questions précédentes, me posait la question si j'avais été favorable aux transformations sur le chauffage urbain. En l'occurrence, je vais faire remarquer que j'étais membre du conseil d'administration de la SDCB et que nous avions porté ce dossier. Tout comme, là, sur les PIF, Pierre Vionnet a joué un rôle quand même positif du fait qu'aujourd'hui, on a des conventions avec les PIF. Comme quoi, on peut avoir un cadre contractuel compétent, Madame Desbordes-Civy. Bon, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, îlot Jules Ferry au PNR cadre, Édouard Denoël. Je l'ai présenté. Oui, il l'a présenté. Il l'a présenté. Est-ce qu'il y a des observations ? C'est une bonne nouvelle. En plus, ce projet sort bien. Hein ? Ouais. 17, oui. Monsieur Stalin, allez-y. C'est effectivement une bonne nouvelle. Tout espace de nature supplémentaire est à prendre comme une bonne nouvelle. Mais tout petit. En tout cas, pas très grand pour pouvoir accueillir un espace vraiment familial et convenant aux habitants de ce quartier, surtout depuis la suppression récente et récemment, en tout cas, des jardins partagés de la rue Victor Hugo, où on a supprimé un espace de nature. On va vous répondre à hésiter, parce que c'est un espace de nature. Le problème, c'est qu'à chaque plus. Fois, on est obligé de reparler du passé, et en fait, on parle du passé. Et après, vous me dites que je parle du présent, je parle de l'importance. Je vais pas faire toute l'histoire sur Villogia, je vais vous faire une partie de l'histoire. Faites-le si vous voulez, mais moi je suis juste en train de parler de demain et pas d'hier. Je vous parle juste de ce que voilà, il faut privilégier ce genre d'ambition, bien évidemment. Ouvrons des espaces de nature le plus possible, surtout dans ce type de quartier qui en sont très loin. Les gens de la Duise ont Château de l'Étang, Lanoux et d'autres ont le parc des Guilans. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, Bien sûr, vous savez, il faut des espaces verts, et ça, c'est clair. Mais l'objectif du PNR CAD, c'est aussi de lutter contre l'habitat indigne. Et j'ai encore reçu, pas plus tard qu'il était tout à l'heure, un mail d'une habitante du quartier des Coutures qui me signalait une adresse rue Jules Ferry. Et je ne sais pas si elle est dans le PNR CAD. En tout état de cause, le PNR CAD, c'est aussi reloger des gens et faire en sorte qu'ils ne vivent plus dans de l'habitat dégradé ou dans de l'habitat indigne. Vous parlez du jardin partagé. Je rappelle que le jardin partagé, de base... il faisait l'objet d'une convention d'occupation précaire le temps que le projet sorte, mais bien sûr que si. Non, c'est pas bien sûr que si. Bien sûr que oui, je suis d'accord avec vous. La ville de Bagnolet a vendu le terrain en 2012 à Villogia, oui. Pour construire des logements sociaux, ce qui est le cas aujourd'hui. Et dans l'attente de l'avancée de ce projet, mon prédécesseur et son équipe ont signé une convention d'occupation précaire avec une association pour utiliser l'espace, le jardin. Qui dit convention d'occupation précaire, dit interne. Et donc le terme est arrivé, et là on construit des logements sociaux, et je pense que c'est important aussi de construire des logements sociaux dans le quartier des Coutures. Je suis d'accord avec vous, mais c'était pas l'objet de ma remarque. Ma remarque était un espace en moins. Non, vous parlez... C'est tout. Non, il n'y a pas ça un espace en ça. Moins. Si là, il y a un espace en plus, c'est parce qu'on a refait... Il y a un espace en plus. On refait le square Jules Ferry. Et tant mieux, parce qu'il y a un espace en moins. Pour qu'il soit davantage accessible à la population, davantage utilisé, et on va refaire le square Varlin. Voilà. Donc, je suis ravi. Donc on y va, ben oui, bien sûr. Mais on lutte aussi. Vraiment. Et on lutte aussi parce qu'on est de gauche. Parce qu'on est de gauche, nous. Nous, on est de gauche. Je suis pas de contre gauche. L'habitat indigne. Je crois pas, non. Je crois pas. Mon Dieu. Vous là où vous voilà. Ne faites pas appel à Dieu. Mais non, mais soyez c'est parce laïc. Que ce que vous dites laïc. Me dépasse tellement que je vois pas d'autre solution que de sortir en fin de compte de cette. Écoutez, mais oui, voilà, mais on est de gauche. Mais Monsieur Stalens, je vais pas vous refaire ici tous les épisodes sur le PNR CAD où à un moment donné on a une association, une dénommée association Arevab. Celle qui était présidée par la voisine du dessus, de chez Ben. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence. Vous voyez, la voisine du dessus de chez Ben, rue Victor Hugo. Et à l'époque, on nous expliquait qu'on allait bétonner le quartier, alors qu'on expliquait qu'on allait quand même reloger des gens dans la difficulté. Et effectivement, le bilan du PNR 4, c'est 108 logements sociaux dans le quartier. 108 logements sociaux supplémentaires dans le quartier, parce que il y a de la gentrification, il y a une population dite bobo dans le quartier que l'on accueille avec plaisir, mais il y a aussi des gens en grande difficulté, très sérieusement en grande difficulté. Voilà. Et donc le PNR CAD, il répond aussi à cet objectif. Et croyez-moi, en 2014, 2015, 2016, il y a eu de grosses bagarres dans le quartier des Coutures avec vos amis politiques du quartier des Coutures, qui s'opposaient à la mise en œuvre du PNR CAD. C'est pour ça que je peux me permettre de vous dire, et un certain nombre d'entre elles étaient sur votre liste aux élections municipales de premier tour, et croyez-moi, je me permets de vous dire que tout le monde n'est pas de gauche au sein de ce conseil. Je vous propose de passer au... Comme on est tous de gauche, on va quand même le voter. C'est bien, c'est important. C'est important. Mais moi, je me souviens des débats à l'époque. Je me souviens des débats à l'époque dans la salle des Coutures et de la violence des débats à l'époque. Propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Crèche Joséphine Becker. Donc, il s'agit d'un transfert foncier avec le département de la Seine-Saint-Denis. Et je rappelle également que le département nous cède le foncier de la crèche Girardot. Où on va pouvoir mettre en œuvre en début d'année prochaine un nouveau projet autour de la petite enfance. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Pas de remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, mesure de l'effet des rues aux écoles sur la qualité de l'air. Édouard de Noël. Oui, merci. Alors, dans cette délibération, il s'agit que la ville conventionne avec l'association Respire pour évaluer l'impact du dispositif de rues aux écoles sur la qualité de l'air. L'association Respire, c'est une association nationale que vous connaissez sûrement, qui est spécialisée sur les enjeux de qualité de l'air et qui a comme principaux axes de travail la sensibilisation du public, du grand public, à ces enjeux de qualité de l'air. Alors, vous les avez sans doute déjà entendus porter notamment la contradiction au lobby automobile, faire condamner l'État sur la question du contrôle technique des deux roues, et à la rentrée, sortir cette grande étude qui indique qu'aujourd'hui, 3 parents sur 4 se disent inquiets en France de la qualité de l'air que respirent leurs enfants. Cette association Respire a pris la tâche de plusieurs écoles parisiennes et de la ville de Bagnolet notamment pour mesurer l'impact concret des dispositifs de rue aux écoles qui sont déployés devant un certain nombre d'établissements scolaires. À Bagnolet, rue Paulbert, un dispositif expérimental de rue aux écoles a été mis en place, donc longeant à la fois la maternelle et la cour de l'élémentaire Ferry. Des capteurs, vous en verrez le dispositif dans la note, y ont été posés, capteurs de NO2, capteurs de particules fines, afin de procéder à des mesures quand les véhicules circulent, quand la rue est bloquée. Il y a un enjeu avec ces rues aux écoles, non seulement de santé environnementale, mais également de sécurité des accès scolaires et de tranquillité de l'espace public. À vrai dire, au fil du temps, à force d'être adoptés, ces dispositifs ne font pas l'objet de beaucoup de remises en cause. Parce qu'au fond, c'est le réinvestissement de l'espace public par les citoyennes et les citoyens qui est au cœur des transformations qu'on appelle de nos voeux. Dernièrement, la piétonnisation des rues Berton et Vaillant-Couturier en est une illustration, mais aussi d'autres initiatives. Réinvestissement ponctuel de rues par des collectifs d'habitants, ça a été le cas rue Grindorge, ça a été le cas rue Paulbert récemment. L'initiative de Ville aux enfants menée par Vert Dragon et les centres socioculturels de la ville voici quelques mois. Toutes ces initiatives vont dans le même sens. Les habitants et leurs enfants, les familles en particulier, veulent se réapproprier les espaces extérieurs. Et donc à nous, collectivités, d'aller plus vite pour qu'ils ne soient pas entravés. C'est le but de la signature de cette convention. Je vous remercie. Merci. Des remarques, des observations ? Oui ? Merci. La note rappelle en effet les nombreux bénéfices d'une rue aux écoles, hein, c'est-à-dire une rue dont la circulation est réservée aux piétons et aux mobilités douces. Donc c'est assurer la sécurité des enfants déjà aux abords des écoles, c'est changer le regard des habitants sur la place de la voiture en ville, dans l'espace public. Voilà. Dans l'optique à la fois de donner plus de place aux mobilités douces, mais aussi à la végétalisation. Donc certains de ces bénéfices sont évaluables directement en parlant aux usagers qui sont majoritairement très satisfaits des expérimentations qui ont été faites. Donc le projet là, qui est présenté permettra d'avoir des données plus mesurables. Donc c'est intéressant aussi de les rapprocher. Et donc je regarderai avec beaucoup d'intérêt les résultats de ces mesures. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Mme Desbordes ? Oui, non, simplement dire que c'est très bien que le dispositif qui a déjà été initié, moi je trouve, est extrêmement bien perçu et il s'agit de non seulement de pérenniser, mais de l'étendre. Et puis un partenariat avec Respire, c'est très très bien. D'autres remarques ? Je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention de coopération avec Est Ensemble concernant le plan Arbre. Donc Vassindou est excusé, je le salue et je lui souhaite un prompt rétablissement. Donc il s'agit du plan de financement du dispositif mis en œuvre par Est Ensemble à l'initiative de Patrice Bessac. Nous avons aujourd'hui 212 arbres répertoriés dans le logiciel. On continue à faire labelliser, puisque l'objectif c'est de planter le plus possible et pour que Est Ensemble s'engage à nous rembourser en parallèle. Donc 212 arbres labellisés, validés au moment où on se parle. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Monsieur Stalens ? Oui, non, mais très rapidement. Bien sûr, il faut s'en féliciter, excusez-moi, et faut être content. J'aurais préféré quand même avoir un plan communal plutôt qu'un plan intercommunal de plantation d'arbres. Je crois que vous avez prévu d'en planter 120, et cet ensemble va en planter 212. Donc on fait en compte, le gros de l'effort sera fait par l'extérieur de la ville. Je pense qu'on aurait pu prendre conscience de l'importance de ce type d'action et de mener nous-mêmes des plans. C'est vrai qu'il faut s'appuyer sur... Je pense que cet ensemble aurait dû être un plus, pas une base. Voilà, je vous remercie. Non, en fait, on plante des arbres et Est Ensemble ne vient pas planter des arbres à notre place. Est Ensemble vient financer parce qu'il y a un plan qui a d'ailleurs obtenu une aide de 3 millions de la part d'un mécène privé, et ce qui nous permet à nous, effectivement, et on ne crache pas dessus, au contraire. Mais ça vient en plus de la même manière que ça vient en plus avec les dispositifs du département de la Seine-Saint-Denis. Donc je pense que c'est plutôt positif. S'il y a d'autres remarques? Oui. Oui, donc réjouissons-nous de ce plan arbre qui vise donc là dans un premier temps à planter 200 arbres, mais qui à Bagnolet, mais pour lequel je crois les ambitions pour Bagnolet sont peut-être 10 fois plus grandes. La direction de l'environnement, maintenant dénommée Nature en Ville, a effectué dans les années passées un travail remarquable de recensement au moins de tous les arbres sur le domaine public, avec leurs caractéristiques et celles des fosses dans lesquelles ils sont plantés, assortie de préconisations techniques pour replanter. On dispose donc déjà pour cette convention d'une liste de fosses à replanter en priorité. C'est extrêmement précieux et on gagne un temps précieux également. Alors, dans cette convention, une chose manque dans les considérations de contexte et de raison d'être du projet. Il s'agit du rapport aux eaux pluviales. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans cette enceinte du Conseil municipal, mais les changements nécessitent parfois des redites. C'est en restaurant notre cycle local de l'eau, c'est en rendant l'eau de pluie à la terre de Bagnolet que l'on aura le plus d'impact sur le changement climatique. La libération du CO2 est l'un des facteurs du dérèglement climatique, mais la perturbation du cycle de l'eau, notamment son stress dans les zones urbaines, en est une autre largement aussi puissante. L'arbre est le meilleur allié du cycle de l'eau par sa capacité d'absorption des ruissellements et d'évapotranspiration qui rafraîchit l'air de nos villes. Inversement, 70% des arbres en milieu urbain sont en situation de stress hydrique. Le lien entre les bonnes pratiques de plantation des arbres et le ruissellement des eaux de pluie est bien exposé dans la charte de l'arbre de Bagnolet, notamment dans le cahier à destination des prestataires. Les fosses dimensionnées suffisamment en profondeur et en largeur, en creux par rapport au niveau du sol pour recueillir les ruissellements, et avec des protections contre les piétinements qui laissent passer les ruissellements. Cela signifie qu'avant de replanter, il faut mettre en œuvre une ingénierie pour reprendre certaines fosses trop petites. Ceci impose un travail coordonné entre les spécialistes de la nature en ville, de la voirie, de l'eau dans la ville ou hydrologie urbaine. Le territoire d'Est Ensemble, c'est écrit dans la convention, met à disposition éventuellement du conseil et de l'expertise. Donc ce travail coordonné, il sera coordonné à la fois entre les agents du territoire d'Est Ensemble et ceux de la ville de Bagnolet, et puis des prestataires qui opéreront, parce que ce sont des prestataires qui planteront. Donc il faut absolument acculturer les prestataires qui seront en charge de la réalisation des travaux autour des fosses et des plantations, pour leur faire faire un travail durable que l'on ne regrettera pas dans les années à venir. La charte de l'arbre est une base solide. L'animation d'ateliers complémentaires de rappel des bonnes pratiques paraît incontournable. Monsieur Stalens. Non, très rapidement, suite à ce que vient de dire dans les dit Félix, on parle de diamètre et de profondeur des fosses qui vont accueillir et recueillir les arbres. Mais parlons aussi de la qualité de la terre. Est-ce qu'il est inscrit dans cette charte que la terre doit être impérativement végétale? Le rue Raoul Berton, vous avez vu, la terre, c'est une terre de remblais. Elle est pleine de cailloux, elle est pleine de choses qui vont contrarier le développement et l'enfoncement des arbres. Je pense que c'est une nécessité, peut-être même dans le cadre de Raoul Berton, que d'envisager d'amener de la terre de qualité avant de planter. Parce que là, ça va pas pousser. Et quand on parlait tout à l'heure aussi de stress hydrique, les arbres cette année en ont supporté. Et je pense que les 5 malheureux arbres qu'on a réussi à planter rue Grandorge en ont beaucoup souffert. Je pense que compte tenu de leur implantation très récente, on aurait dû y accorder un tout petit peu d'attention et les arroser un tout petit peu plus souvent, parce que là, cet été, ils ont souffert énormément. Et le stress hydrique, signalé tout à l'heure par Edith, Félix, ça a des conséquences. Ça laisse des traces dans la mémoire de l'arbre. Il va avoir toujours peur de subir à nouveau un manque d'eau. Donc, il va contrarier sa croissance et son développement consécutivement à ce qui vient de se passer cette année. C'est dommage. Effectivement, c'est un point de vigilance à avoir là-dessus. Vous avez raison et je tiens à saluer le travail de Vassindou mené sur le sujet. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Convention d'objectifs et de financement pour la halte jeu La Coccinelle et multi-accueil Vienno et Lénine. Zora Kelly. Bonsoir. Alors, c'est deux délibérations classiques concernant les conventions de financement triennales de nos structures municipales, concernant la crèche Désiré Vienno, Lénine, ainsi que la halte jeu. Alors, je peux continuer pour le rapport numéro 22. Alors, la convention d'objectifs de financement des travaux extérieurs de la crèche rue Lénine, qui ont commencé déjà il y a 10 jours, on l'avait passé en CM fin de l'année dernière. Et c'est juste pour rappeler comme quoi que les travaux ont commencé, que la CAF nous a financé à plus de 80% les travaux et que les travaux vont bientôt être finis en fin d'année normalement. Voilà. Et un petit plus, l'arbre qui était malade a été retiré, il va être remplacé. On a essayé de le sauver, mais on n'a pas pu. On avait fait les estimations possibles à faire et on a dû l'enlever pour replanter un autre. Voilà. Et c'est un investissement important de plus de 226 000 euros. Exactement. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc, l'ordre du jour du conseil municipal est épuisé. Nous avons deux vœux. Le premier sur les installations sportives. Mona Bellil. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toi et tous, chers collègues. Alors, il s'agit d'un vœu transpartisan qui a fait l'unanimité auprès des groupes suivants. Le groupe socialiste, société civile, radicaux et républicains. Le groupe Bagnolet en commun. Le groupe citoyen indépendant. Et enfin, Ensemble pour Bagnolet, groupe que je remercie, qui porte sur le plan d'investissement de 6 milliards d'euros dédié à la rénovation et à la construction d'installations sportives en Seine-Saint-Denis. Sensible aux disparités flagrantes, je vais vous en faire lecture. Sensible aux disparités flagrantes en matière d'installation sportive et d'accès aux équipements sportifs dans notre département, nous affirmons notre volonté d'apporter des changements majeurs pour garantir à notre population un accès équitable aux activités sportives et physiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Seine-Saint-Denis se classe en dernier rang en termes d'installation sportive, avec seulement 16 équipements pour 10 000 habitants, comparé à la moyenne nationale de près de 50. À titre d'exemple, à Bagnolet, nous sommes à 13 équipements sportifs pour près de 40 000 habitants. Face à cette réalité, en soutien à un public déjà fragilisé, nous insistons sur l'urgence d'offrir aux séquano-dionysiens des équipements sportifs de qualité. De plus, la vétusté de nos installations sportives, le temps perdu pour s'y rendre, il faut compter en moyenne 20 minutes de trajet, et les défis posés par la sédentarité et la surcharge pondérale, dont les chiffres sont au plus haut, soulignent la nécessité d'une action immédiate. À l'heure où notre département a accueilli ou s'apprête à accueillir des événements sportifs mondiaux, nous voyons une opportunité unique d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens en attirant l'attention de l'État sur la situation critique de notre département, en termes de sous-équipement et de vétusté des installations sportives existantes. Nous saluons les premiers engagements pris via les Jeux olympiques et paralympiques, lesquels marquent un début positif de l'action de l'État en la matière, mais nous pensons que l'État doit intensifier ses efforts en lançant un réel plan d'investissement. Le Conseil municipal de Bagnolet demande donc au gouvernement français un plan d'investissement complémentaire à la hauteur des enjeux de rénovation nécessaires pour nos équipements sportifs de notre département, et de Bagnolet en particulier, demande la mise en place d'un bouclier tarifaire pour nos collectivités, équipées d'infrastructures vieillissantes, énergivores, afin d'éviter des fermetures préjudiciables pour nos usagers. S'engage dans le collectif permanent de défense et de promotion de l'EPS, du sport scolaire et du sport associatif en Seine-Saint-Denis, la COPER 93, qui œuvre pour la défense et le développement des activités sportives dans notre département. Nous rappelons que l'accès au sport est un droit fondamental qui doit bénéficier à toutes et tous, qu'il a de nombreuses vertus. Le sport est le meilleur moyen de maintenir une bonne condition physique et est vecteur de bien-être mental. Le sport améliore la gestion du stress, la concentration et renforce la confiance en soi. Pour reprendre simplement les mots du président de la République, M. Emmanuel Macron, il, en parlant du sport, rassemble et casse les inégalités liées à l'assignation à résidence dans nos quartiers et constitue l'un des plus puissants outils d'éducation, d'émancipation et d'insertion, contribuant au bien-être, à une plus grande espérance de vie et à une vie en meilleure santé. Nous souhaitons que l'État intensifie ses efforts pour garantir ce droit à l'épanouissement et au bien-être de toutes et tous dans notre département et dans notre ville. Merci Mona. Y a-t-il des interventions, des remarques ? Aucune ? On passe au vote. Qui est pour ce vœu ? Je vous remercie. Nous avons un second vœu relatif au conflit israélo-palestinien déposé par Ensemble pour Bagnolet. Laurent Jamais. Oui, Solène Le Bouris, qui nous devons beaucoup d'ailleurs sur le dépôt de ce vœu, vous en donnera lecture. Moi, je voulais dire quand même quelques mots. Je pense que c'était important qu'on s'exprime. Je crois au rapport à ce que, dans cette ville, les engagements pour la justice, pour la question palestinienne, pour évidemment le journal Eric Chatila, ça nous semblait important qu'on puisse le faire. Ce n'est pas simple, évidemment, parce que je crois qu'il faut qu'on prenne tous collectivement de la hauteur dans une situation qui est aussi dramatique en termes d'injustice, mais aussi qui est potentiellement dangereuse quant à l'avenir du monde, en tout cas cette partie de la planète. Et je crois que ça démontre que c'est pas parce qu'on si on ne traite pas les questions, je veux plutôt dire ça, évidemment les choses vont forcément en s'aggravant, parce que aussi ce conflit il est chargé de tous les symboles difficiles qu'il faut aussi avoir la force de pouvoir l'aborder, et qu'il résonne évidemment très fort dans toutes les sociétés, particulièrement dans la nôtre. Moi je pense qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut à la fois condamner le Hamas et la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. On peut être pour la reconnaissance d'un État palestinien viable, qui donne droit à une juste revendication et considérer normal que des citoyens aspirent à la sécurité. Et je crois que dans n'importe quelle société, c'est une chose qui ne se discute pas. On ne peut pas discuter des citoyens de vouloir être en sécurité. Donc, ça a beaucoup heurté, évidemment, dans les débats politiques, mais je crois qu'évidemment, ce qu'on doit dire, c'est que rien ne peut justifier les actes terroristes du Hamas, rien. Mais à l'insupportable commis par le Hamas succède que nous voyons chaque jour en Cisjordanie des colons armés commettant des pogroms avec le soutien de l'armée. Dans une situation qui était déjà grave avant ce qui s'est déroulé début octobre. Et puis, ce sont aussi plusieurs milliers de morts, dizaines de milliers de morts aujourd'hui à Gaza. Des chiffres que personne ne peut remettre en cause, en tout cas. C'est 100 humanitaires qui sont tués. Que ce soit également des journalistes, des enseignants. Voilà. Et si je cite ces gens-là, ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être tués et d'autres qui devraient l'être. C'est simplement pour dire que, justement, dans les conflits, ces gens-là, ils sont relativement épargnés. Donc ça en dit long sur le calvaire aujourd'hui que subissent les Gazaouis. Ce qui conduit aussi des organisations qui généralement ne prennent pas la parole. Je pense à des organisations de l'ONU, je pense à la Croix-Rouge, je pense à MSF, je pense à Médecins du Monde qui aujourd'hui évoquent l'arrêt des massacres. Et je pense qu'il faut se rendre compte que nous sommes dans cette situation qui est dramatique. Je crois qu'il faut que les massacres cessent et il faut trouver une solution durable pour cette situation dans cette partie du monde parce qu'elle marque désormais trop de choses. Et je crois, je l'ai dit tout à l'heure, mais des dirigeants sur la planète ont pensé qu'on pouvait mettre tout ça sous le tapis, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Et si on veut cesser que les sociétés se déchirent, si on veut trouver des solutions de justice, il y a besoin de trouver rapidement des solutions qui seront politiques. Et moi, je pense qu'il faut aussi rouler, entre guillemets, sur des imbécilités simplificatrices. Moi, j'ai une pensée aujourd'hui pour Viviane Silver, qui était otage et désormais victime du Hamas, militante de la paix et amie du peuple palestinien. À son fils, Jonathan Zegen, qui continue à dire les choses suivantes. Moi, je pense qu'il faut prendre cette hauteur-là. On ne peut pas réparer des assassinats de bébés en tuant plus de bébés. Nous avons besoin de paix. C'est à cela qu'elle a œuvré toute sa vie, en parlant de sa mère. La douleur est la douleur. Mais le seul chemin de la sécurité, de la vie bonne, c'est la paix. La vengeance n'est pas une stratégie. Je pense évidemment à toutes les familles de victimes et des otages qui manifestent aujourd'hui en Israël et pour certains mettent en cause la stratégie du gouvernement d'extrême droite religieux. Je pense à mes amis palestiniens qui disent tous le nombre d'amis israéliens qu'ils ont et donc que la paix est possible. Je pense aussi, une conviction qui est la mienne, que les Israéliens ont moins à craindre du peuple palestinien que des gouvernements d'extrême droite polonais et hongrois ou tout autre soutien d'Israël que, par exemple, les néoconservateurs à la sauce Trump, américains et du lobby évangéliste, qui, eux, sont clairement antisémites et qui, aujourd'hui, pour des raisons stratégiques, évidemment, soutiennent le gouvernement en place en Israël. Je pense que nous sommes confrontés à des enjeux de civilisation qui nous concernent tous et des dangers qui nous guettent. Nous nous retrouvons de moins en moins nombreux à des cérémonies évoquant les mémoires tragiques, dont ceux de la Shoah. Je pense qu'une des leçons du génocide des Juifs, des Tziganes, de l'élimination d'opposants politiques par le nazisme, c'est la négation de la qualité d'êtres humains. Mais moi, puisque c'était Mohamed me faisait penser tout à l'heure que c'était le jour anniversaire de la mort de Jacques Ralit, ancien ministre, sénateur maire d'Aubervilliers, il disait une phrase simple qui était « Il faut reconnaître l'homme dans l'homme ». Et moi, ce qui me perturbe, c'est de voir aujourd'hui le débat politique au niveau dans lequel nous sommes, au Sénat, des gens d'extrême droite, mais aussi de droite, aujourd'hui nier l'humanité d'un certain nombre, je pense au débat notamment sur les questions de santé, qui a agité le Sénat, mais qui nie aujourd'hui les êtres humains. Et je crois que c'est, pas faire des signes d'égalité, mais en tout cas dire que c'est aujourd'hui, demain, un des mécanismes qui sera en œuvre dangereux, sur lequel on sera amené collectivement à se battre. Je vais procéder à la lecture. Le conseil municipal de Bagnolet condamne fermement les attaques terroristes des commandos du Hamas contre les populations civiles israéliennes, tout comme il condamne aussi fermement les bombardements d'Israël contre la bande de Gaza. Si l'État d'Israël a le droit légitime de se défendre, il n'a pas le droit de s'en prendre à la population palestinienne sans distinction. La force, la guerre sont des impasses et jamais la vengeance n'a été source d'apaisement. L'absence d'une perspective politique autre que la guerre aboutit aujourd'hui à un bain de sang. Il faut tout faire pour empêcher de rajouter de la barbarie à la barbarie. Nous dénonçons la logique de vengeance des terroristes du Hamas comme les punitions collectives de l'extrême droite israélienne. Elles relèvent du pogrom d'un côté et crimes de guerre de l'autre. Nous crions notre horreur devant ce que subissent les civils palestiniens et israéliens. Aujourd'hui, nous condamnons le choix du gouvernement israélien d'extrême droite de bombarder aveuglément des civils et de soumettre des millions de Gazaouis à un blocus responsable d'une catastrophe humanitaire. L'horreur du 7 octobre ne peut pas justifier les massacres en cours à Gaza. Le gouvernement israélien ne peut pas être au-dessus du droit international et ne peut pas continuer impunément à semer la mort parmi les populations civiles palestiniennes. Nous sommes pleinement solidaires des peuples israéliens et palestiniens et dénonçons ceux qui veulent couper l'aide au développement pour la Palestine en ajoutant ainsi de la misère à la misère. Parce que nous lançons un appel à l'unité de la nation, un appel à la concorde et à la responsabilité des élus de contribuer à la paix civile dans notre pays et notre ville, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population afin de permettre la mise en sécurité et à la prise en charge de la population dans la bande de Gaza. la libération de tous les otages israéliens, le respect du droit international humanitaire qui exige de stopper les bombardements sur les civils et les structures de santé, la mise en place d'un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité, la protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité, une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l'ONU, la recherche d'une solution permettant la reconnaissance de l'État de Palestine par la France aux côtés de l'État israélien. Je vous remercie. Oui. Émilie. Merci. Je ne serai pas très longue parce que, Laurent, on te remercie pour ton intervention préalable et solennelle pour la lecture du vœu et le fait de nous l'avoir proposé, à votre groupe de nous l'avoir proposé en amont du Conseil. On s'était joint au vœu, donc on le dépose avec vous. On n'a pas grand-chose à rajouter à ton intervention, Laurent. On votera évidemment, alors ça paraît évident puisqu'on l'a signé avant, mais c'était important aussi de pouvoir le dire en Conseil municipal que nous partageons ce point de vue et nous partageons l'importance de voter un vœu de ce type. Bien, nous vous remercions pour ce vœu et nous sommes d'accord avec l'appel à un cessez-le-feu immédiat, bien entendu, l'appel au cessez-le-feu que ce vœu porte. En revanche, effectivement, à la lecture de ce vœu, nous avons été étonnés qu'il fasse fi, pour l'essentiel, du contexte dans lequel se sont déroulées les attaques meurtrières du 7 octobre et du déluge de bombes à Gaza que nous voyons depuis lors. Étonné initialement, alors Laurent vient d'en parler, que ne soit pas fait le lien avec Bagnolet, le lien avec le jumelage de Chatila, parce qu'en faisant ce lien, ça permet de rappeler un sujet essentiel qui structure ce conflit depuis tant d'années. C'est le sujet des réfugiés. Pourquoi est-ce qu'il y a des réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie, mais aussi en Cisjordanie et à Gaza? C'est parce qu'en 1948, il y a 700 000 Palestiniens qui ont été chassés de chez eux et qu'aujourd'hui, quasiment la moitié de la population de Gaza est une population réfugiée. Et en le disant, en rappelant ça, en rappelant le sort des réfugiés, ça permet de remettre en contexte un conflit territorial, un conflit colonial, qui dure depuis 75 ans. Et contextualiser et expliquer, ça n'est pas justifier la violence. C'est de comprendre les racines de décennies de violence et les racines de la déprivation des droits pour les Palestiniens. Or ici, à la première lecture, dans ce vœu, on a l'impression qu'on se focalise sur 40 jours et pas sur les 75 ans. Et à la lecture, on s'étonne qu'il manque des éléments structurants qui font l'histoire de ce conflit. Un terme d'abord, le terme colonisation. Sans l'employer, on ne comprend pas. Parler de Palestine sans parler de la centralité de la question coloniale imposée par Israël, c'est faire fi d'une réalité. La réalité, c'est la violation continue depuis 75 ans du droit international. Et la diplomatie française, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, elle le rappelle tout de même. Le mot blocus ensuite, alors il est évoqué dans le texte, mais il est évoqué uniquement comme depuis le début du conflit. Or, depuis 15 ans à Gaza, la bande de Gaza est soumise à un blocus qui en fait une prison à ciel ouvert pour 2,5 millions d'habitants. Et souvenons-nous qu'en 2018, il y a eu ce qu'on a appelé les marches du retour. Pour l'essentiel, ces marches, c'était des marches pacifiques, pour faire tomber les barrières, pour mettre fin au blocus. Et même pendant ces manifestations, pour l'essentiel pacifique, plus de 200 Palestiniens ont été tués. Et puis un mot, enfin, un mot qui résonne particulièrement à gauche, et je sais qu'il y a des gens dans ce conseil municipal pour qui ça a été le premier engagement, l'Afrique du Sud, c'est le terme apartheid. C'est un terme, tout simplement, qui désigne des droits différenciés. C'est ce qui est appliqué aujourd'hui aux Palestiniens et c'est ce sur quoi toutes les organisations des droits de l'homme sont d'accord. Et c'est, je le lisais encore récemment, ce que disent plusieurs anciens généraux de Tsahal. Ces éléments, ces termes-là, ils sont essentiels pour parler de la réalité sur place. Et sans esprit polémique, le dire, le rappeler, parce que c'est important. L'horreur des attaques du 7 octobre, la violence, la destruction, la cruauté des bombardements systématiques de civils depuis 30 jours sont malheureusement la traduction, pas la justification, la traduction d'une situation intenable. Donc effectivement, il faut immédiatement un cessez-le-feu, que cesse la mort du moindre civil, que le blocus de Gaza prenne fin, que cessent ces bombardements et surtout que cessent les bombardements des enfants. 5 000 à ce jour morts bombardés dans la bande de Gaza. Jamais un conflit n'aura tué autant d'enfants en si peu de temps. Nous redemandons effectivement, comme vous, le cessez-le-feu, l'application du droit international, avoir le droit international et la Charte des Nations Unies comme boussole, et entendre, par exemple, Craig Mokiber, directeur du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il démissionne. Quel mot est-ce qu'il emploie ? Il parle, lui, diplomate onusien, de génocide. Francesca Albanese, haute représentante des Nations Unies, sur place, à Gaza, parle de risque de nettoyage ethnique. La situation est tellement grave aujourd'hui qu'effectivement la Cour pénale internationale doit être saisie de l'ensemble de ces crimes de guerre. On ne peut pas, il nous semble, pour nous, là, et ce n'est pas un esprit de polémique, mais souscrire à un vœu qui serait à ce point décalé d'une réalité de 75 années. Nous sommes d'accord avec vous, demandons le cessez-le-feu, mais pas de manière décontextualisée, pardon. Donc nous continuerons à nous mobiliser les week-ends, chacun à sa façon. Nous sommes d'accord sur le cessez-le-feu, mais en l'occurrence là, nous ne prendrons pas part au vote. D'autres interventions ? Jean-Claude Oliva. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour, tout d'abord, bien sûr, pour ce vœu. Je crois que sur le fond, on est très en accord, notamment sur les exigences qui sont portées par ce vœu. Et donc c'est pour ça que nous allons le voter, naturellement, donc notamment le cessez-le-feu immédiat. Après, effectivement, j'ai bien aimé l'intervention de Laurent, j'ai bien aimé celle d'Edouard aussi, sur le fond. C'est deux interventions très riches, très construites et qui amènent des éléments de réflexion que je partage d'un côté et de l'autre. Effectivement, il n'y a pas tout dans ce vœu. Et je dis ça et je ne dis pas ça pour Edouard, mais nous, notre souhait, c'est de dépasser les polémiques, notamment à gauche, qui a, enfin, c'est pas pour nous spécialement, mais je dirais plutôt au niveau national, qui sont assez stériles, assez insupportables face à l'urgence et à la gravité de la situation. Donc c'est pour ça, encore une fois, on n'est pas forcément, il y a pas tout dans tout, mais on va voter parce que sur les exigences, en tout cas, de ce qu'il faut faire maintenant, on se retrouve dans ce vœu. Mohamed. Merci, Monsieur le maire. Je ne pense pas qu'il soit décalé, ce vœu. Il y a une urgence. Ce vœu, ce volet consensuel, un compromis, afin qu'il soit porté par tout le conseil municipal. Un conseil municipal de Bagnolet qui a toujours été à l'honneur, à la hauteur, une fierté pour notre ville. Lorsqu'il s'est agi de défendre la paix, les refus du colonialisme et les causes justes. C'était vrai avec le soutien au peuple chilien contre le dictateur de Pinochet. C'était encore vrai avec le peuple d'Afrique du Sud contre l'apartheid. Et c'était encore vrai avec le peuple algérien dans son combat pour le droit à son autodétermination. Nos prédécesseurs, Jocelyne est avec nous ce soir, elle pourra le dire, les anciens qui ont siégé ici peuvent encore en témoigner. Et Jacqueline Chonavel, notre maire, en parle encore. Bagnolet a toujours porté haut le combat pour la paix. Et aujourd'hui, cela passe par un cessez-le-feu, à trouver des voies pour la paix et pour une solution politique. Réaffirmer que le peuple palestinien a le droit à son autodétermination, à cesser de souffrir, à mettre fin à la colonisation et à reconnaître les droits des Palestiniens. Parce qu'il n'y aura pas de solution armée à ce conflit. Le gouvernement israélien ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut dans la bande de Gaza et en Cisjordanie en toute impunité. Le problème est politique et sa solution ne peut être que politique. Contrairement aux déclarations du Premier ministre Netanyahou, j'ouvre les guillemets, le combat entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Le combat est entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Entre l'humanité et la loi de la jungle. Je ferme les guillemets. Un discours déshumanisant et des déclarations qui lui permettent de justifier les violations du droit international. Je le disais, le problème est politique et sa solution ne peut être que politique. Et elle passe par la libération du peuple palestinien, la fin de la colonisation, la création et la reconnaissance de l'État de Palestine. Le droit du peuple palestinien à son autodétermination. L'urgence est à l'arrêt des bombardements et à la protection des civils. Dommage, nous aurons pu voter ensemble ce soir. Je pense que c'est une occasion ratée. Bon, écoutez, je pense qu'on partage tous sur le fond les conclusions, les attendus de ce vœu. Et je pense que ce qui doit prédominer, c'est l'esprit de concorde et de rassemblement. Donc, Émilie a expliqué ce qui était, pour ce qui nous concerne, notre position. Donc, nous sommes associés à ce vœu, nous allons le voter. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Je vous remercie. La séance est levée. Rendez-vous le 14 décembre pour un conseil municipal en formation de travail sur le NPNRU et pour un conseil municipal le 21 décembre. Merci, bonne soirée.